Seigneur notre Dieu soit loué. Mungu wetu asifiwe. Nous vous saluons dans le nom de Jésus Christ. Tunamisalimia mujina ya Yesu Kristo. Et nous en profitons pour saluer nos frères et nos sœurs qui suivent en ligne. Tunasalimia pia banduku na badada wanatufuata kule mtandao. Nous sommes très contents. Tunafurahi kabisa de revoir notre bien-aimé et notre pasteur. Ya kumuona ndugu yetu mpendwa na pastori wetu. Et la sœur Annie. Pamoja na dada yetu Annie. Ah. Karibu sana. Ah, soyez la bienvenue. Êtes-vous dans la joie? Eti muko katika furaha. Vous l'aimez? Muna mpenda? Tumuimbie mwimbo gani? On chante conducteur inspiration. Quel cantique. Ah, très bien. C'est ce que j'allais dire. Touche ma belle. Souris donc. Cheke basi. Jo mwimbo baramulaka nayo kuchauru. C'est la chanson avec laquelle on lui a dit au revoir. Prendre la parole lui-même dimanche quand tout le monde sera là. Nazania et mwenyewe tutampatia sauti msiku ya yenga wakati watu wote watakuwa pale. Mais pour l'instant, kwa hii wakati, nous lui souhaitons le bon retour. Tunamtakia tu kurudi kuzuri. Amen. Amen. Inclinons nos têtes. Tuinamishe vichwa yetu. Mufalme na mokozi Bwana Yesu Kristo. Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Mungu anachungaka basafiri. Le Dieu qui protège des voyageurs. Anatunzaka bagonjwa. Le Dieu qui guérit des malades. Weye anokolaka manafsi. Toi Dieu qui sauve les âmes. Tunakupikia asante kabisa. Nous te disons merci. Kwa kuchunga nduku yetu na dada yetu. Pour avoir gardé notre frère ainsi que notre sœur. Ni kiepesi kuachana. C'est facile de se séparer. Mais kukutana tena cela, c'est ta décision. Ndio kwa maana hatuna na masemo ya kupita accente. C'est pourquoi nous n'avons pas de termes qui dépassent les messieurs. Ni alama kuonesha kusema au yamaniza nasi atana nduku pamoja. C'est un signe qui prouve que tu n'as pas encore achevé avec nous ainsi qu'avec les frères. Bariki nduku Charles na nyumba yake. Béni le frère Charles ainsi que sa maison. Na bariki kanisa kuchauru. Béni également l'église de Chauru. Bariki kanisa ya kukotonu. Béni également l'église de Kotonu. Na bachungaji bote. Ainsi que tous les bergers. Na ukumbuke manyumba yote ya banduku na badada barezi kumpokelea. Souviens-toi de toutes les maisons des frères et des sœurs qui l'ont accueilli. Na fashi yote aripitia Seigneur. Et de partout où il est passé. Yoyote arezi kufurai atana maubiri. Quiconque se réjouit même ne fût-ce qu'avec la prédication. Apate kubarikiwa. Qui soit béni. Na shie tunakupikia asante. Nous aussi nous te disons merci. Kwa kuchunga kanisa msalama. Pour avoir gardé l'église en paix. Na mu mapendo. Et dans l'amour. Shiaba tunakuwa mbele uso yako. Nous voici venir devant ta face. Muishi kutena ya leo. Au jour d'aujourd'hui. Utuasiste munamu na kusema ikuye weye peke kufanya kazi. Assiste-nous que ce soit toi seul qui sera à l'œuvre. Wepeke upate kusungumuzia kila mmoja. Toi seul puisse parler à chacun de nous. Wepeke upate kukorije mwenendo yetu. Que tu puisses corriger notre comportement. Na we upate kujifunula kwa kila moyo. Et que tu puisses te révéler à chaque cœur. Tunerachiria entièrement kwa mikono yako. Nous nous abandonnons entièrement entre tes mains. Bariki banduku na badada pe kunetufuata kwa njia internet. Bénis les frères et les sœurs qui nous suivent en ligne. Yote tutafanya pa Seigneur. Tous qu'on fera ici, Bwana. Ikwenjwa utukufu ya njina lako. Que ça soit pour la gloire de ton nom. C'est pourquoi tunerachira entièrement sous ton pouvoir. C'est pourquoi nous nous abandonnons kabisa kabisa mwezo wako. Mujina ya Bwana Yesu Kristu. Au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Amina. Vous invitons à vous lever. Tunamialika mupate kusimama bwima. Prenons notre texte. Tuchugue barua yetu ya kila siku. Apocalypse chapitre 3. Ufunuo sura yake ya 3. Je suis content de revoir le frère Rémi Mukendi aussi. Nafurahi tena kumuona nduku Rémi Mukendi. Il était devenu le gardien et de la sœur malade des enfants à la maison. Alibaki tu muchungaji wa dada na watoto mlango wagonjwa. Souhaitons bon retour parmi nous aussi. Naye tunamtakia kuja kuzuri katikati yetu. Apocalypse chapitre 3. Ufunuo sura ya 3. Verset 20. Msari ya 12. Voici, je me tiens à la porte. Tazama mina simama pa mlango. Et je frappe. Napika odi. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, kama mtu akisikia sauti yangu na kufungula mlango, j'entrerai chez lui. Taingia kwake. Je souperai avec lui. Ntakula pamoja naye. Et lui avec moi. Naye pamoja nami. Que le Seigneur bénisse la portion de l'écriture. Bwana Mungu abariki sehemu la andiko. Nous poursuivons toujours avec notre thème intitulé « Et tu ne le sais pas ». Tunaendelea na shina yetu ya mahubiri yenye kuitwa auijue. Na auijue. Na auijue. Parce que c'est comme je vous le disais dans les jours passés. Paka vile na kwa na miambia siku ilipita. Nous sommes vraiment les concernés par ce livre d'Apocalypse. Hii kitabu ya ufunuo inatuelekea sisi. Et nous devons prendre cela vraiment au sérieux. Tunapashu kukibeba na roho yote. Et considérer que ces avertissements s'adressent à nous. Na kuangalia kwamba hii makalamusho inatuelekea sisi. Et le seul objectif pour lequel nous sommes rassemblés. Jifukuzio kimoja kinye kile tunakusanikia. Ce n'est pas de manquer l'enlèvement. Aina ya kukosa kunyanyuliwa. Nous désirons pour chacun de vous tunatamani juu ya kila mmoja wenu de la persévérance apate kudumu afin de ne pas manquer le grand rendez-vous de l'enlèvement. Ili asikose kunyanyuliwa. Parce que vous êtes déjà à l'endroit indiqué. où le Seigneur vient lui-même préparer les âmes. Non seulement cela, le Seigneur a pourvu en toutes choses dans le don qu'il a établi parmi nous. La parole elle-même est apportée avec un son clair pour chasser de nos cœurs toutes sortes d'incrédulités, toutes sortes de ténèbres et de confusions, et donner l'occasion à chacun d'expérimenter un salut vrai. C'est ainsi que frères et sœurs, voyant les dangers dans cet âge de l'Odyssée, et en tant que sentinelle, nous devons bien trompeter pour donner l'occasion à chacun de vous d'être vigilant. Pas vigilant avec ton frère et ta soeur. Tu dois être vigilant et sérieux avec ton âme. De sorte à ne pas permettre à Satan ou aux démons de t'entraîner dans l'égarement. Parce que la question que le Seigneur pose est celle-ci. Qui connaît ces égarements? Muvile mundu hakuna mtu lana yoga kusema hapa mimi nisha upotola hapa mimi nisha kuingia munjia mbaya. Comme il y a personne qui découvre que là j'ai fauté, je suis dans. Kumbi il faut kukesha kabisa. Alors il faut tellement veiller. Nous vous disions ceci. Tulikuwa na miambia hivi. Voyant l'état dans lequel l'âge de l'Odyssée est plongé. Et l'Église, Dieu ne manquera pas de témoins néanmoins. C'est vrai que la majorité des gens se plongent déjà dans les ténèbres, mais qu'il n'en soit pas ainsi pour toi, mon frère, et pour toi, ma sœur. Parce que voilà maintenant les dangers. C'est comme on vous les lisait la fois passée. Celui qui se tient à la porte de ton cœur, ce n'est pas un prédicateur ni un pasteur, c'est le Seigneur de gloire. C'est celui-là qui sait te révéler l'état de ton cœur, l'état de ton esprit et l'état de ta foi. Donc nous avons intérêt à ouvrir largement notre cœur au Seigneur et le recevoir sans condition. Frère Branham dit dans plusieurs de ses sermons intitulés « Voici je me tiens à la porte » ou bien « Je me tiens à la porte ». Il dit « La seule façon pour le Seigneur de vous bénir, de vous sauver pleinement, de se révéler totalement à vous et de vous donner un progrès spirituel dans votre vie, c'est quand vous lui laissez le libre accès à tous les domaines de votre vie. De fouiller toute votre vie afin de vous aider. Mais la maladie dans cet âge, c'est quoi? Les gens se plaisent à dire je reçois le Seigneur, mais ils imposent des conditions à quelqu'un que vous appelez Seigneur, c'est-il la contradiction? Oui, mipaka effectivement. Mipaka, ule munaita sema Bwana. Or, japo, il est Seigneur, yeye ni Bwana, c'est pour dominer. Njua apate kututawala. C'est pour régner pleinement. Atutawale kabisa kabisa. Il est celui qui doit être le chef suprême de votre âme et de votre être. Chef wa nafsi yako na bumuntu wako. Chef wa juu kabisa. Chef wa yulu kabisa wa nafsi yako na bumuntu wako bote. De tout ton être. Maisha yako yote. De toute ta vie. Kutenda kwako kote. De tout tes agissements. C'est lui qui en a le plein pouvoir. Or, le Saint-Esprit dans le sermon intitulé Je me tiens à la porte, Frère Branham dit, mais les gens qui se disent chrétiens ne laissent pas le plein pouvoir au Seigneur d'agir dans leur vie. Amen. Amen. Je préfère vous les lire. Prenez ce Là. Voici non ça c'est je me tiens à la porte je me tiens à la porte du 8 décembre Ya 8 décembre 1957. 1957. Citation. Nuktayaki. Attendez, je cherche d'abord la prédication. Subiri. Je me tiens à la porte. Mina simama kumulango. Très bien. Citation, on peut commencer un peu plus haut. 33. Il dit ceci. Anasema hivi. Je prends d'abord 32 au milieu. Nachugua kwanza makumi tatu na mbili pakatikati. Celui qui se tient à la porte à longueur de journée et frappe à votre cœur, oule anasimama pa mulango yenu mu chane yote muzima. Ah, shikuku shiku na iko napika wote ku mulango ya moyo wako. C'est le Seigneur Jésus. Ni Bwana Yesu. Il désire entrer. Anatamani kuingia. Il veut vous parler. Anapenda kukuambia. Kukusungumzia. Kukusungumzia. Vous êtes l'un de ses sujets. Muku, uko mmoja wa bantu yake. Ah, vous avez été créé à son image. Uliumbiwa kwa mfano yake. Vous êtes un être humain créé à l'image de Dieu. Uko binadamu mwenye kuumbiwa kwa mfano ya Mungu. Regardez. Il ne va pas vers les grands ou les célèbres de ce monde. Il vient aux pauvres et aux nécessiteux. Tout homme qui entendra ma voix et qui ouvrira la porte, j'entrerai et je parlerai avec lui. Pensez donc à ce que cela représente ce soir, pour le grand, le roi de gloire, pour le grand Jésus, qui était dans le buisson ardent, celui qui ressuscita Lazare, il se tient, 34, il se tient à la porte d'une humanité déchue. Anasimama pa mulango ya batu benye kuanguka. Ah, frappant, essayant d'accéder à l'âme. Et nous rejetons cette grande personne importante. Oh, vous me direz alors, Frère Branham, là je ne suis pas d'accord avec vous, car je l'ai déjà laissé entrer. Eh bien, c'est très bien. Je suis très content que vous ayez fait cela, que vous l'ayez laissé entrer. Mais alors, vous savez quoi? Il semble qu'après l'avoir laissé franchir la porte, vous avez tout un tas de petits appartements dans votre corps. Et vous l'accueillez à la porte et vous lui dites, reste donc ici, ne va pas regarder dans ma maison. Amen. Amen. Verset, citation 38. C'est ainsi que nous traitons parfois Jésus. Nous qui nous disons chrétiens. Tu peux entrer, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Mais ne te mêle pas de mes affaires. Voyez, c'est la ligne où il y a le danger. Vous avez des petits endroits dans votre cœur, des petites portes qui ouvrent sur des petits compartiments dans votre cœur. Les chrétiens ont cela. Et beaucoup de ceux qui laissent Jésus entrer ne veulent pas Jésus aller là où il veut. Alors, il n'est pas tout à fait le bienvenu. On ne laisse pas le libre accès à Jésus, lui-même de contrôler votre vie, votre langage, vos pensées, vos affaires. On ne lui laisse pas les mains libres. Alors, Jésus est là, mais bloqué dans un coin. Unyachembele mimi nifambile niko nafanya. Mimi naamini mjumbe. Jehova njo weye. Mais huku situshe. Voilà pourquoi l'église est dans l'état où il est. Elle est plutôt. Citation 40. Nukta yake ya 41. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les gens qui se disent chrétiens. Vous dites, oh, je suis membre de l'église. C'est bien. Mais vous voyez, la raison pour laquelle il y a tant de problèmes dans l'église, la raison pour laquelle il y a tant de confusion dans l'église, tant de disputes dans l'église, ce n'est pas parce que Jésus n'est pas là. C'est parce que Jésus ne peut obtenir l'accès aux endroits où il veut aller. Est-ce que vous n'avez qu'à mesurer? Aina seme ima mambo yote kuna fika, dada risharatika, frère alfambi fulani, ababa semesha. Aina kusema Yesu ashina ako. Namu maisha bale bantu, Yesu ansha kufika. Me bale bantu, abamwache Yesu uru. Ye ya kufanya kila nataka maisha yabo, ya kuingia mupana ya maisha yabo, ya mioyo yabo. Abamwache. Saint-Esprit dit, c'est ce qui se passe avec les gens qui se disent être des chrétiens. Et l'enlèvement risque de nous trouver dans cette condition-là. Voilà le danger. Maintenant, à quoi vous servirait-il de croire ce message, de connaître tous les mystères, d'avoir été appelé frère et soeur, mais alors que Jésus n'a pas les mains libres dans votre vie? Ya kupapasa mu maisha yako yote. C'est très dangereux. Hii ni hatari. 42. Makumi citation. Na, nukta makumi ine na mbili. Je poursuis d'abord 41 et puis je termine. C'est parce que Jésus ne peut obtenir l'accès aux endroits où il veut aller. Nous avons ce petit compartiment, Tumanyumba, et nous disons, oh non, ne touchez pas à cela. Maintenant, sasa, vous pouvez entrer, kuingia, mais ne va pas plus loin que là. Ushende mbali kupita je vais me joindre à l'église néanmoins. Mais à part cela, laissez-moi diriger ma propre vie. Kisha iyo, uniache niongoze mimi mwenyewe maisha yangu. Est-ce que vous nasikie? Njoo baba sœur na ba frère mko naona. Ce sont ces frères et sœurs que vous leo unamonesha hiki, kesho banamonesha hiki, mukanisa tatoka. L'église ne quitte pas. Comprenez seulement que huyu dada huyu nduku. Mwelewe que ses frères et sœurs. Kupo kufungura Yesu mulango anaisha kumfunguria. Na anaisha kumoblige Yesu akusema. Unyaje mimi kani kutakata nitakate. Ile haikuangalie. Yema figure que je le fasse cela ne te concerne pas. Unyaje mimi kani kunwa mpombe mu secret nyanzi kunwa. Laisse-moi s'il faut boire. Unyaje mimi kani kwanza kusharatika nyanzi kusharatika. Mais mon kanisa César il est là. Vous le comptez comme un membre. Quand il y a des travaux, il est là. Mais il dit à Jésus, je te reconnais comme étant Jéhovah de l'Ancien Testament, celui qui a fait tous les miracles autrefois. Mais ici, laisse-moi faire ça. Laisse-moi parler comme je parle. Laisse-moi avoir les pensées selon moi. Je suis un homme de principe. Toi, reste seulement là-bas. D'abord au devant, laisse-moi aller au devant de mes principes. Voyez. Et c'est ça l'état de l'église. Et dans cet état-là, quand Dieu regarde, Dieu nous traite de malheureux, des aveugles, des gens nus, et nous ne le savons pas. 42. Jésus veut être le chef suprême de votre être. Yesu anapenda kuwa chef wa yulu wa bumuntu bwako. Le seul moyen par lequel il puisse vous bénir spirituellement, matériellement, pour que vous voyez l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie, c'est quand il devient votre Seigneur. Seigneur, c'est-à-dire avoir la possession totale. Qui a un droit sur chaque place de votre cœur. N'ayez pas de secret pour lui. Ouvrez votre cœur. Disons Amen maintenant. Amen. Et nous voulons avoir une église comme ça. Nous voulons avoir des frères et des sœurs qui se sont abandonnés sous le pouvoir du Seigneur Jésus. Frère, vous chercherez un réveil, vous aurez un réveil dès lors que vous aurez abandonné. Le réveil n'est pas très loin de chacun de vous. Le réveil est possible dans la vie de la sœur ou du frère qui laisse les mains libres au Seigneur Jésus. Lui-même, il est le réveil. Mais quand vous le bloquez, vous bloquez le jubilé, vous bloquez le réveil. Amen. Pourquoi nous insistons? La Bible dit ceci. Psaume 138. Psaume 138. Psaume Psaume 138, écoutez comment le Saint-Esprit parle. Musikilize namna kani Roho Mtakatifu kunasema. Verset 1, 2. Msari ya kwanza na ya pili. Je te célèbre de tout mon cœur. Na kushangilia na moyo wangu wote. Je chante tes louanges en présence de Dieu. Naimba masifa zako uwepo wa Mungu. Je me prosterne dans ton saint temple. Nainama mu hekalu yako takatifu. Et je célèbre ton nom. Na shangilia jina lako. À cause de ta bonté. Kwa ajili ya wema wako. Et de ta fidélité. Na kwa ajili ya uaminifu. Pourquoi? Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Kupitia kutimilika kwa malako yako. Kavumu yako ta renome iko paka naongezeka mukona namna unachimizaka malako. Par l'accomplissement de tes promesses. Suivez frère. Mufuate nduku. Écoutez maintenant le sujet du jour. Nous vous disions dès l'introduction, parlant de l'église de Laodicée, la ville de Laodicée, en rapport avec le temps dans lequel nous vivons. Nous vous disions que Laodicée, en hébreu ou en grec plutôt, veut dire droit des peuples. C'est la ville où est né les revendications des populaires. Ni mumuji mule murizaliwa kuomba ruhusa ya watu ya watu. Chaque domaine de la vie, kila mambo ya maisha, avait besoin d'ériger des droits pour les agriculteurs, pour les éleveurs, pour les secteurs banquiers, chaque domaine. Et tout cela typifiait quoi? Cela typifiait que l'âge de l'Odyssée sera aussi un âge où les gens réclameront trop leurs droits. Nous vous disions ceci aussi, que malgré l'état lamentable dans lequel la ville de l'Odyssée était plongé, Dieu qui connaissait bien ses élus, il y avait quand même une véritable église chrétienne. Malgré qu'il y avait la grande religion dominante, la fausse alors, Dieu ne manquait pas une poignée de gens. Cela typifiait quoi? Même dans cet âge aussi, malgré la grande corruption spirituelle qui existe, Dieu aura quand même une poignée, une minorité de gens qui, eux, vivront les choses réelles de Dieu. Mais que feront ces peuples-là? Que feront ces élus? Comme c'est un temps de réclamation de droits, maintenant écoutez-vous les véritables chrétiens. C'est aussi un temps pour vous de réclamer aussi le droit en tant que chrétien. Pas vis-à-vis de l'État comme on a vu le granamiste le faire. Nous nous réclamons de voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Ce sont nos droits. Toutes les promesses de Dieu, c'est un droit acquis pour nous. De même que les femmes réclament leurs droits, nous en tant que chrétiens, nous réclamons nos droits divins aussi. Tout ce que Christ a acquis pour nous, nous ne voulons pas négocier. Nous ne voulons pas manquer cela. Aussi vrai que Jésus est vivant, aussi vrai que nous sommes vivants, frère, je me tiendrai dans sa présence, je m'abandonnerai, voulant voir mes droits en tant qu'épouse s'accomplir pendant ma vie. Est-ce que vous êtes là? Vous n'allez pas un élu véritable. Une élue véritable. En s'étant ici, n'est pas bras croisés. Le souci profond d'un élu ou d'une élue, frère, c'est de voir chacune des promesses divines, chacune des bénédictions rédemptrices s'accomplir dans ça. Il veut avancer dans les profondeurs avec Dieu. Et ça, ça ne doit pas vous laisser indifférent. Celui en qui nous croyons. Écoutez comment Dieu lui-même a parlé à Israël. C'est dans Deutéronome 6, verset 4, je crois. Le premier commandement. Écoute Israël. C'est-à-dire, faites attention. L'Éternel, notre, votre Dieu, est le seul éternel. Et ça, c'était pour garantir à Israël que celui qui est éternel est celui qui vous a choisi, est celui avec lequel, est celui qui vous accompagne. Frère, dans ce que nous disons éternel, il est celui qui connaît toutes choses d'avance. Tout ce qui existe, existe par lui. Et tout ce qui existe, il est celui qui connaît le commencement et la fin de toutes ces choses. En termes simples, nous allons vous dire, celui qui s'appelle l'Éternel, il est l'omnipotent, l'omniscient et l'omniprésent. Parce qu'il n'a ni commencement ni fin. Il n'a ni généalogie. Il n'a ni père ni mère. Lui existe par lui-même. Or, tout ce que nous allons connaître sur cette terre, lui le connaît déjà. Et un homme comme ça, frère, on voulait rassurer Israël que ne tremblez jamais. Celui qui s'appelle l'Éternel, c'est celui-là votre Dieu. Or, celui qui s'appelle l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus. Et c'est celui en qui nous croyons. Rien ne peut nous troubler. Amen. Regardez. Même quand vous allez dans la Bible, il y a des hommes qui ont compris ce que Jésus était réellement. Et quand ils se sont retrouvés en face du Seigneur, frère, ayant le discernement de ce que cet homme de 33 ans représentait, eux savaient que cet homme est celui qui commande toutes choses sur la terre. Quand tu trouves auprès de lui son approbation et qu'il agrée tes supplications, il n'y a pas de doute. Ce que tu as demandé, tu l'auras certainement. Regardez le centenier romain. Un homme de nation. Il se retrouve en face de Jésus. Son garde du corps malade à la maison. Il lui dit à Jésus, tu n'as pas besoin de faire le déplacement. Toi, tu peux donner un ordre. Ici, et la chose s'accomplira. Et quand Jésus l'a regardé, il lui dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. C'était quoi? L'homme ayant compris ce qu'était Jésus véritablement, il a dit, il faut s'abandonner à cet homme. Il faut lui donner sa place en tant que Seigneur, en tant que chef suprême. Tout ce que tu lui demanderas, il est celui qui accorde toutes choses. Écoutez, suivez Psaume 119. Psaume 119. Psaume 119. Zaburi sura 119. Verset 90. Msari ya 90. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Bizazi na bizazi wa minifu yako na dumu milele. Ce qu'il dit, de génération en génération, on peut expérimenter que Dieu reste fidèle. Ce qui est sorti de sa bouche, il va le réaliser. Amen. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est-à-dire, c'est toi le créateur. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui. Maintenant, écoutez. Toutes choses te sont assujetties. Bintu byote mulimwengu. Toutes choses dans le monde. Bine kalaka na muti paka Yesu Kristu. Donc assujetti à Jésus Christ. Ele Abraham e croyait ça. Abraham variamine vile. C'est pourquoi même pour livrer Isaac. Il savait que ce n'est pas un problème. Il est celui. Tout dans la nature lui obéit. Parce que tout vient de lui. Il peut donner l'ordre là où il n'y a rien. Les choses vont devenir visibles. Amen. C'est comme ça qu'Israël, on lui disait, c'est lui qui est éternel, c'est celui-là votre Dieu. C'était pour dire à Israël, ne tremblez point, ne cédez point à aucune menace, obéissez totalement à lui et demeurez fidèle dans ce qu'il vous demande. Parce qu'il est celui qui contrôle toutes choses dans ce monde. Et rien ne peut vous arriver à moins qu'il n'ait ordonné. Ces paroles ne s'adressaient pas seulement à Israël. C'est pour te dire toi aujourd'hui que Jésus-Christ est le seul éternel, le seul omnipotent, le seul omniscient et le seul omniprésent. C'est pour que tu comprennes que c'est lui qui frappe à ma porte. Si tu connaissais son importance, tu lui abandonneras ta ungemwachia maisha yako. Mambo ni nini? Le problème c'est quoi? Bantu hata tunasema hivi. Kwa qu'on le dise. Dans l'homme, ndani ya mtu, il y a la volonté propre. Mungu mapenzi yake yeye mwenyewe. Et c'est ça l'obstacle même dans les choses de Dieu. Ndio kizuizo hata mubili. Kama mtu yuko décidé kufanya kila anataka. Hata Yesu anamuonesha sema acha acha acha. Même si Jésus le lui interdisait, anajama na kila anatafuta kufanya. Et Dieu devient impuissant face à la volonté de l'homme. Mbele ya mapenzi ya mtu. Mais vous qui entendez ce soir, apprenez déjà de maintenant à livrer même votre volonté. Connaissant ce qu'il est, connaissant celui qui frappe à la porte de votre cœur, donnez-lui votre volonté. Voilà un baric. Et le Seigneur vous bénisse. Et vous verrez l'église. C'est que la véritable église. Le problème c'est lequel? Mambo ni nini? L'homme ici que nous sommes. Mutu hivi tuiko. Frère. Nduku. Nous penchons facilement vers de fausses choses. Tukuna degamia zaidi kubitu ya bongo. Ah. Même comme nous prêchons ici. Ah, ça, hivi tukuna ubiri. Il y a des gens dans leur cœur. Tuku bantu mumaro yabo. Frère. Nduku. Qui ne croient pas que cette parole est la vérité. Abamini asema hii neno ni ukweli. Qui ne croient même pas. Abamini ata. Que réellement il y aura enlèvement. Kwamba kika kutakuwa kunyanyuka. Ils viennent, ils croient que. Ndoko nakuja banaamini. Au sein des discours de l'église. Ah, njo vile bana. Et ils s'arrêtent là-bas. Wanasimamia paka pale. S'arrête là-bas. Mais regardez dans la Bible. Voilà, frère, quand vous regardez à tous les élus dans la Bible, je vous prends un exemple pareil. Un homme comme Caleb et Josué. Frère, quand eux regardaient à la réalité en face des ennemis à Israël, ils savaient, voir comme tout le monde que le pays ici est occupé par des géants. Et nous ici face à eux, nous ne pouvons rien. Mais écoutez dans leur discours, quand ils sont revenus vers Moïse pour faire le rapport, ils ont dit, ces gens-là, là, malgré leur taille, malgré qu'ils sont costauds, malgré tout ça, mais ils n'ont pas d'ombre. Abana na kintu kya kubachunga. Wakuchungana ni ule situ kunaye. Celui qui protège, c'est celui que nous avons. Ils avaient ce discernement-là, que celui qui est avec nous, face à ces costauds-là, ces costauds ne peuvent rien. Il est celui qui peut créer la victoire même sur base de rien. Amen. Amen. Regardez, je vous donne, j'anticipe un peu. Face à la muraille de Jéricho, quand il veut donner la victoire à son peuple, le Dieu grand, il utilise des moyens très simples. Frère Branham ailleurs, il dit, c'est ce qui justifie qu'il est Dieu. Parce que pour agir, pour donner la guérison, pour donner la victoire à son peuple, il ne cherche pas des gros. Non. Il ne cherche pas des choses qui attirent l'œil. Il descend. Il prend des choses très simples. Une ville muraillée. Et Frère Branham, quand il fait le commentaire, il dit, les murailles de Jéricho, même des engins comme les nopelles ici, les pouvaient rouler sur cette muraille. Où est cette muraille? Aïna sa fondation à Moalon et tout. Ce ne sont même pas comme des fondations de nos Moalons ici. Et quand Israël regarda ça, c'était une chose impossible. Et Dieu a donné l'orientation à Josué. Il dit, tournez seulement pendant 7 jours. Et au 7e jour, trompeter et pousser des cris de joie. Frère, voyez comment Dieu agit. Vous tournez seulement. Premier jour, vous allez vous reposer. Deuxième jour, quatrième, sixième, à la 7e rotation, frère, vous tournez, on donne l'ordre, le sacrificateur trompette, et vous poussez des cris de joie. Toute la muraille s'affaisse. Non seulement que la muraille s'affaisse, Dieu qui est omnipotent, frère, saisit le cœur de tous les habitants de Jéricho. Il crée la panique dans leur cœur. Et Israël a pris la ville. Vous allez dire comment? Oui, les voix de Dieu sont incompréhensibles. Il est celui, même pour nos cas, n'attendez pas de grandes solutions. Dieu, quand il veut vous secourir, il crée là où il n'y a rien. Vous allez vous demander, mais tous ces jours j'étais là, je ne voyais rien. Oui, vous ne pouvez rien voir parce que vous êtes un être temporaire. Celui qui est éternel, lui savait qu'à un moment de votre vie, vous allez vous retrouver dans une difficulté. Et la solution, lui-même a conçu ça. Je ferai ça. Bon embarras. Regardez. Agar fouillait. On l'avait déjà renvoyé. Elle avec son fils Ismaël. Ils arrivent au désert. Frère. Maïl et Bartouga Inaïssa. Il n'y avait plus de solution. Agar en a tout la moutoute. Agar a déposé son enfant. C'est Agar ou c'est... Agar, hein? J'ai cru que je me suis trompé. Anatula mutoto. Anasema, mzuri akufwe ni kumbari naye. Parce que l'enfant pleurait, njala na kiu ya mai. Mujangwa amukukuya ta mutoni. Au 2 heures, il n'y avait même pas de rivière. Frère. Nduku. Maintenant, vous allez me dire, Agar, yashkona kele kishima mai. Est-ce qu'Agar n'avait pas... Nous, ça n'existait pas. Et quand Dieu a vu que ce garçon, il est innocent, mais néanmoins, il est né d'Abraham. À cause d'Abraham, j'interviens. Frère, Abraham, Agar n'a pas fait une longue prière, ou quoi que ce soit. L'ange est descendu. Pour dire l'Éternel, il est omniprésent. Il savait qu'à un moment, Agar et son fils Ismaël seront butés. Et ce sera fini pour eux. Il descend. Prêt. Il parle à Agar. Et puis il dit à Agar, regarde là-bas. Agar, je trouve un maï quoi. Surpris, il y a de l'eau. C'est venu comment? Il est l'Éternel, l'Omnipotent, l'Omniscient et l'Omniprésent. C'est pourquoi vous voyez Josué à la fin, le sujet que le pasteur prêchait à Tchaourou, aucune de ses paroles ne restera sans effet. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Mais nous sommes à l'Odyssée, où le véritable élu, connaissant les conditions de l'Odyssée, et aussi ils doivent réclamer leurs droits. Quand les femmes réclament leurs droits, les homosexuels réclament leurs droits, les lesbiennes réclament leurs droits. Chaque domaine de la vie veut avoir ses droits de protection. Mais les chrétiens aussi, ceci est le temps favorable pour réclamer nos droits acquis à Golgotha. On ne doit pas rester comme ça. Amen. Amen. C'est ça l'église. Comme c'est le temps, Dieu lui-même dit, sa renommée. Kavumu yake iku nongezeka sana mukona vile kuna timiza malako yake. Toutes les promesses de Dieu sont un droit pour toi. Est-ce que mon ami n'est pas ni sheria yako ya kusema miye mina pashkona malako yote ya Mungu yangu maisha. C'est ton droit. C'est ton droit. Comme chacun aujourd'hui, frère, les médecins réclament leur droit. Dans leur ordre de médecins. Les infirmiers, leur droit. Ordre des infirmiers. Les avocats, leur droit. Chaque domaine fait se protéger. Maintenant, Christ va s'abattre la protection. Et pourtant, les dieux à qui nous croyons, Esaïe 32, qu'est-ce qu'il est? Ah, c'est mani. Esaïe 32. Isaïa sura ke magumi tatu na mbili. Attendez. Msubiri. Écriture. Sura makumi tatu na tatu. 33. Ya Isaïa. Suivez maintenant. Mfuate sasa. Où est ton ami, ni frère? Hein? C'est lui en qui. Écoutez comment la Bible parle. Musikilize namna kani Biblia inasema. Verset 22. Makumi mbili na mbili. Car kwani l'Éternel est notre juge. Vous êtes là? L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. Et c'est lui qui nous sauve. Frère, il laisse toutes les lois, ce que nous appelons les lois de la nature. Péjorativement, les gens appellent ça loi de la nature. Les législateurs. Législateurs de toutes ces lois. Regardez l'exemple. Tu m'en as vu tout quoi, Shiban. Voyez tel que nous sommes les images. Attends, mais n'a pas d'accord au balcon. Même si j'ai monté là au balcon. Niki sauté, coucou pas qu'à ouais, je il y a toujours une force pesanteur qui m'a fait. Physique, ils appellent ça la pesanteur. Physique, ben, aïta, c'est ma pesanteur. C'est lui qui a créé cette loi. qui a placé cette que tout corps jeté en l'air, il y a la force qu'il y a sur la terre qui l'attire vers le bas. Amen. Il est celui qui a fait tout ça. Pour bien comprendre, ça prenait Psaume 148. Psaume 148. Zaburi 148. Psaume 148. 148 ya Zaburi. Très bien. Mzuri. Suivez ce texte-là. Mufati yandiko. Verset 1. Mzari ya kwanza. Louez l'Éternel. Musifu Yehova. Louez l'Éternel du haut des cieux. Musifu Yehova. Louez-le dans les lieux élevés. Musifu pali paju. On ordonne même à ceux qui sont dans les lieux élevés, vous devez les louer. Louez-le vous tous ces anges. Musifu moi bote ba malaika. Louez-le vous toutes ces armées. Musifu moi majesi yake. Louez-le. Musifu. Soleil et lune. Jua na mwezi. Louez-le. Musifu. Vous toutes. Étoile lumineuse, louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, vous qui nous loue le nom de l'Éternel. Or son nom c'est qui? Le Seigneur Jésus. Car il a commandé. Et vous avez été créé. Non seulement cela. Suivez maintenant. Il les a affermis. Anaishikamisha. Anaishikamisha ile za afi. Yeji majua nyota. Yote ule anaishikamisha ni Mungu. Et à perpétuité. C'est Dieu. Il a donné quoi? Des lois. Ma sheria. Oui, mwenzi. Utaanza kuchunga kama jua inaisha kursi yake na wewe ndio unalamuka. Mwe manyota. Mnanisikia manyota sime ndio. Chef. Oui, chef. Mtaanza kutoka wakati kani? Manyota sime paka busiku. Lorsque le soleil se couche. Étoile, étoile du matin. Asume ndio, chef. Oui, oui, chef. Weye ni sakani. Mba 4h déjà, mtu akitoka nje anaweza kunyona. Je vais me lever à 4h. Vula. Vula na jipresente. Utaanza kufika wakati kani mimi kuambia. Vula sime mimi nitaanza kwanza mwezi fulani na kusimama mwezi fulani. Usitambuke, asume ndio. La pluie a obéi. Kipwa. Utaanza kuonekana wakati kani. Uriniambia mimi tanzu konokana wakati fulani na wakati fulani. Meangara sabu mumbafu wa bantu. Frère, bantu wa mabriku wanafunga mvula. Les gens qui fabriquent des briques ont arrêté. L'homme peut faire. Est-ce que mouton est aussi simamisha mvula? Il a donné des lois. Et il ne les violera. Point. Louez l'Éternel du bas de la terre. Monstre marin. Ata viumbo vya mumaji. Vya mumaji. Bila vionukana kata yulu. Kini some mpa manifesto. Iye desanimo akwatika. Kuba nyama vya mumaji. Kini munti jamais en surface. Aba pandake kamo kutoka mumaji. Toute leur vie. Maisha ya mumaji. Ils vivent dans les profondeurs. Kuna ishi paka mumpana. Putu jangere kibu se ki fleur. Zale le trouve. Ils sont comme des fleurs. Et on demande à ces créatures là. De louer l'Éternel. Pate kumusifu Yehova. Monstre marin. Vous tous abîmes. Mune chini mune kabisa. Mouma bahari mune. Feu et grêle, na neige et brouillard, ya mawe na vent impétueux, pepo ya nguvu, qui exécutait ses ordres. Donc toutes les créatures exécutent l'ordre de qui? Du Seigneur Jésus. Ya quand lui donne un ordre, même un pepo, même les vents impétueux. Il n'a qu'à se balancer tout en dehors. On nous a dit d'aller vers tel endroit. Amen. Amen. Pepo eranzi kwa pomone nyumba. Les vents qui voulaient. Wogu na omba. Mungu anambia mpepo. Dit au vent. Keuka. Allez tourne toi. Pepo inakeuka. Et les vents se tournent. Asima, ah ah frère. Ah ndugu. Tuna vivre un miracle. Oui. Miracle. L'ordre est venu d'en haut. Agizo ilitoka juu. Bwana mbariki. Et cet homme là. C'est lui notre Dieu. Mungu wetu. Frère. montagne et toutes les collines, arbres fruitiers, mayembe, masuku, fungo, tout ont reçu l'ordre de produire les fruits selon telle période. En dehors de cette période-là, nous aurons des problèmes avec notre Dieu. Mais regardez maintenant nous. Sois soumis. Voyez, il n'y a que l'homme qui est rebelle. Et Dieu Mungu ne frappe pas la porte des arbres, il frappe à la porte des hommes. Ya miti, ce qui fait l'homme est très important que les arbres. Amen. Animaux et tout le bétail. Frère, c'est pourquoi tu as banyama. Moi, mon enfant est homosexuel. Vous devenez homosexuel. Mbuzi, achète vous panda quoi. Mais un bouc ne peut pas monter sur un autre bouc. Il te dira, c'est contraire à la loi de Dieu. Amen. Amen. Il te dira, c'est contraire. Atakwambia. Reptile, et oiseau, et les mabaos, roi de la terre, et tous les peuples, prince, et tous les justes de la terre. Pourquoi on demande même aux justes de la terre? Parce que le juge suprême, c'est lui. C'est pourquoi même tous les magistrats et les justes rendront compte. Bonne embarque. Jeunes hommes. Jeune fille. Babinti. Jeune fille, quoi faire? Jeune garçon, vous êtes là. Quel faut-il vieillard et enfant qu'il loue le nom de l'Éternel? Car son nom seul est élevé. Au-dessus même de tous les noms que les hommes peuvent donner. Le cancer est le nom de la médecine des hommes qui ont nommé ça. Le sida est le nom que les hommes ont nommé, mais le nom du Seigneur est élevé au-dessus de tout nom. C'est pourquoi en son nom, tout genou doit s'étendre. Il continue. Car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles. Pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Le peuple qui est près de lui, Josia. Si tu n'as pas il est celui, frère, qui commande tout. Et un homme comme ça, si vous savez que c'est lui qui frappe à la porte de mon cœur, je lui accorde la priorité de ma vie. Je lui accorde la prière, je ne discute même pas, je ne réfléchirai même pas, ce qu'il dit, je le ferai, même quand je n'en ai pas la force, je lui dis, Seigneur, donne-moi la force de faire ça, mais en quel temps, au temps où, lui aussi, a donné des droits à ses enfants, en ces temps de corruption, en ces temps de séduction, lui aussi a dit, mes enfants ne resteront pas des droits. Amen. Amen. Et quels sont nos droits? Nous les verrons demain. De sorte que, vous savez, regardez le scandale qu'il y a eu à Kinshasa. Du médecin là qui donnait des coups sur une patiente. Les gens ont crié, il faut. Mais l'ordre des médecins n'a pas encore prononcé. Non, il faut les radier et tout ça. L'ordre des médecins est là pour protéger les médecins. Même s'il est fautif. Paulin quoi? Où est Paulin? Chinjoville. C'est comme ça, non? Ben, infirmier, Alta n'a pas un dégât. Quoi qu'il fasse. L'ordre des infirmiers vient comme syndicat. Ben, infirmier, n'a quoi déjà comme syndicat. Si, n'a su ça, ben, ministre. Vous aussi, en tant que... Alta, mina, koto, là. L'ordre... du christianisme, je me réfugie sous le sang de Jésus. Amen. Pour réclamer la miséricorde et le pardon, car c'est un droit pour moi. Amen. J'ai fauté. Mais est-ce que Dieu ne peut-il pas pardonner? Or, nous sommes au temps où le sang de Jésus est un droit pour nous. Nous avons droit de nous réfugier sous le sang et de demander pardon, et Dieu nous l'accordera. Que le Seigneur vous bénisse. Excusez, j'ai pris 5 minutes. Nous allons nous lever tous. Kweli Bwana Yesu, kweli Bwana Yesu, kweli Bwana Yesu ndiye Mungu, kweli Bwana Yesu, kweli Bwana Yesu, kweli Bwana Yesu ndiye Mungu. Tutaomba sisi zote. Nous allons prier tous ensemble.